Oh yeah! Bienvenue au Frankie Show, épisode numéro 2. On est le 6 mai 2017. Cette semaine, j'ai fait une entrevue avec Patrice Lamoureux du podcast L'Univers du camionneur en région. Par la suite, je vous parle d'un fait vécu personnel, quelque chose d'assez marquant. Et au menu aussi de la bonne musique sur ce bon show. Eh oui, on est de retour au Frankie Show. Je suis avec mon ami Patrice Lamoureux du podcast L'Univers du camionneur en région, en direct de son téléphone. Salut Patrice, comment ça va? Salut mon Francis, ça va bien? Ouais, ça va bien, ça va bien. Grosse journée aujourd'hui. Ouais, on était... Ce matin, j'ai été porté, j'ai délivré des tables de pique-nique au Super Party des camionneurs. Oui, c'est vrai, ça s'en vient bientôt, ça. Oui. On est vraiment dans les derniers préparatifs là, pour la fin de semaine de drague, le 27-28 mai. Et la grosse fin de semaine de camion, c'est le 2-3-4 juin. On est vraiment dans les derniers préparatifs là-dessus. On a hâte, on est fébrile, on tient peu en place. On a une réunion demain, justement, là, pour finaliser les derniers préparatifs. Là. OK. Ouais, j'en doute pas. Ça va être sûrement tout un show. Moi, j'ai jamais été, mais j'essaie de m'organiser pour y aller, là, justement, au Super Party du camionneur. Oui, OK. C'est ça. Puis j'invite les gens à aller voir ça. C'est à Ferme-Neuve, c'est à côté de Mont-Laurier. C'est ça. C'est une belle région, moi, pour moi-même avoir été là deux fois dans ma vie. Très belle place. Les gens sont super accueillants, sont super gentils. On va espérer qu'il y ait du soleil. Ça va être. Ça va être tout un beau week-end. Il va y avoir l'équipe de LHJDC aussi, je crois. Oui, ça, on... Daniel Beaulieu va être là avec sa gang, Francis Tremblay, Marc Toutibédard, Steve Bourgeois devrait être là, Steve Mercier aussi, toute la gang de LHJDC devrait être là, Éric Mercier aussi, il va être là. Oui, monsieur, des gros noms. Il va y avoir des gros noms, point de vue spectacle? Ben, le plus gros nom qu'on a, c'est vraiment c'est le retour de la chicane après 20 ans d'absence. Oh. On sait que la chicane s'était séparée justement pour de la chicane pour pas faire des jeux de mots. Ouais. puis là, ils ont décidé de reprendre le flambeau puis de refaire un CD ensemble cette année puis de faire une tournée de spectacle. Puis nous autres, on est un des premiers festivals à l'avoir. On est bien contents de ça. Ouais, ça, c'est vraiment notre grosse tête d'affiche. Ouais. Le vendredi, la fin de semaine des drags, il va y avoir les Chiens de Ruelle en spectacle samedi soir avec un DJ. Mais samedi, le vendredi soir, la fin de semaine du party des camionneurs, le vendredi soir, il va y avoir un groupe de country américain qui s'appelle The L Caster. C'est un groupe qui se produit à Nashville. Le samedi, il va y avoir Laurence Boire, Country Band. C'est une jeune chanteuse très prolifique qui est vouée à un grand avenir dans la chanson. Le gros spectacle de la chicane. Puis on finit la soirée avec Laurence Boire justement jusqu'aux petites heures du matin. OK. Ouais, ça promet. Ça va être toute une belle fin de semaine, ça. On souhaite qu'il fasse soleil parce que. Oui. On se le cachera pas, le soleil, c'est le succès de l'événement. Là. Ah, ben, ça, s'il n'y a pas de soleil, l'événement ne sera pas couronné de succès. Là. Non, c'est sûr que ça ne sera pas la même chose. Surtout que le soleil est rare de ce temps-là. Fait que, oui. Comme on pourrait dire, tant mieux s'il mouille présentement, puis tout le reste de la semaine. Puis, au moins rendu au mois de juin, on va espérer que le soleil va être au rendez-vous. Ben, on espère bien. Puis... Ouais. Il faudrait souhaiter un petit peu de soleil aussi dans les prochains jours pour les sinistrés. Là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon le nombre d'inondations là, partout dans la province de Québec. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un printemps comme ça. Là. Ah non, ouais, moi non plus. Ben, pour ma part à moi, j'ai habité là moi, pendant 17 ans de temps là, dans l'ouest de l'île de Montréal. Là, pis, OK, ouais. J'en ai vu des crues des eaux, là, mais pas à ce point-là, jamais. Hey, au port de Montréal, là, j'ai vu ça cette semaine, au port de Montréal, l'eau est embarquée par-dessus le port, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Hey. Les trocs à le charger là, dans 6-7 pouces d'eau. Là. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Là. La région de l'Outaouais, si les traversiers sont fermés à force qu'il y a trop d'eau. Pas drôle, là. Un traversier, sa vie, c'est de passer dans l'eau, mais là, il est fermé parce qu'il n'a trop, là, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est ça. Puis, quand on dit que l'armée est rendue là, ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui, c'est ça. On va remercier nos vaillants soldats pour cet bel effort de... Ouais. Le courage, là. Oui, c'est très apprécié. Puis, je suis pas mal certain que la plupart des gens qui en avaient besoin, ben, ils vont apprécier l'aide de l'armée canadienne. Pour une fois que le gouvernement provincial fait quelque chose de sa vie. On se rappelle de la tempête sur l'autoroute 13, là, cet hiver, là, qu'il y avait beaucoup de monde de qui avait resté pris là-dessus, puis qui n'avait rien fait. Là. Ben là, au moins, ils ont agi. Par rapport aux inondations. Oui, ben c'est ça, parce qu'on doit rappeler que l'armée, c'est de juridiction fédérale. Mais pour avoir l'armée au Québec, ben, il faut qu'il y ait une demande du gouvernement du Québec. C'est ça. Puis elle n'avait pas été faite malheureusement dans la grosse tempête de l'autoroute 13. Puis ça a été un manque. Mais là, ils se sont repris. Ouais, ils essayent de se racheter, comme on pourrait dire. Et voilà. Là-dessus, Patrice, moi, je voulais revenir, je voulais parler de ton podcast, l'univers du camionneur en région. C'est ça. Parle-moi un peu de ça. Ça fait presque un an, je crois, que ton podcast existe. Oui. J'ai commencé en juin 2016. Mon premier épisode a eu lieu en juin 2016. Fait que ça va faire un an dans pas bien long. C'est pas compliqué. L'univers du camionneur en région, c'est un podcast que j'ai signalé longtemps avant de mettre sur pied. Moi, j'ai découvert le podcast à cause de Yann Thériault et le stream que tu connais toi aussi. Oui, que je dirais c'est pas mal un mentor pour pas mal les podcasteurs là, qui en font au Québec. Ouais, moi, selon moi, c'est celui qui a. C'est l'ambassadeur du podcast au Québec, on se le cachera pas. C'est celui, il est au-dessus de... Il est rendu à presque... Si on compte les épisodes offline qu'il a fait, là, il est rendu à au-dessus de 600 épisodes pour son podcast. Et puis, moi, c'est à force de l'écouter, lui, puis d'écouter Mike Tremblay, puis d'écouter Mike Ward sous écoute... puis d'écouter Daniel Beaulieu sur le jeu du camionneur, qu'il m'est venu l'idée de partir mon propre podcast. Mais moi, en étant camionneur, je voulais parler du monde du camionnage, mais je voulais pas faire la même chose que Daniel faisait. Je voulais avoir un autre son de cloche du domaine du camionnage, parce que oui, c'est bien beau le camionnage, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. On est camionneur avant tout, je suis d'accord, mais on fait d'autres choses aussi. Puis c'est ça que je veux faire découvrir à mes auditeurs. C'est le monde du camionnage, mais tout ce qu'il y a dans l'univers, justement, du camionneur. On est une entité unique dans notre camion. On est tout le temps tout seul en a priori. Des fois, on travaille à deux, mais c'est rare. Puis, il se passe des affaires dans ce truc-là. Puis, moi, c'est ça que je voulais dire, dans le fond. Puis, je voulais parler de ces affaires-là. Puis, donner un ton humoristique, donner un ton de d'opinions sur différents sujets de la vie, là, tu sais. Ouais, ouais. Moi, c'est surtout tes anecdotes personnelles, là. Ouais. Il y en a surtout une qui m'a fait bien rire. Fait que, pour ceux qui n'ont pas écouté son podcast, là, je vous invite à tout écouter ses épisodes. Ils sont tous très bonnes. Ouais, j'étais un gars qui a eu... J'étais un gars qui a eu une enfance, puis ben, plus une adolescence assez olé olé. J'ai fait plusieurs coups de cochon. J'en ai d'autres en réserve pour les shows que. Ça, c'est toutes des anecdotes que je sors quand que j'ai pas de sujet de podcast. Fait que ça fait des bons shows. J'en ai d'autres en background, ça c'est sûr et certain. Fait que. Tu t'as pas fini de rire, ça c'est certain. Ah non, j'en doute pas. Des fois, je vais me faire rire, des fois, je vais me faire réfléchir le monde, des fois, je suis en tabarnak, puis ça prouve une affaire, c'est que je suis vraiment authentique, puis que faut me prendre comme que je suis. Là. Ben, c'est exactement ça. C'est ça que mon podcast, moi, je peux. Je pourrais dire, c'est un peu semblable. Là. Moi, je vais être authentique. Moi, souvent, je vais être en crise dans mes podcasts parce que je compte des affaires que j'ai vécues. Ouais, c'est ça. Puis, qui me met en crise, comme il va y avoir des anecdotes personnelles semblables. Moi, c'est. Ouais, ben, c'est ça. C'est ça que je trouve, c'est qu'on est deux personnes qui se ressemblent. Parce que je sais pas si t'as écouté. Spermatozoïde, j'ai fait l'entrevue avec Mike Tremblay cette semaine. Puis, non, je ne l'ai pas écouté encore, non. C'est ça qu'il me disait, tu devrais parler avec Patrice Lamoureux parce que moi c'est sûr que Mike il me disait, il dit, toi, tu vises quoi en tant que podcaster? Ben, je ne veux pas viser trop haut, mais c'est sûr que moi, si mettons, j'aurais 100 personnes qui m'écouteraient, c'était moi, ça ferait mon bonheur, puis tant mieux s'il y en a plus. Ouais. Toi, Patrice, je voulais te demander à tes débuts, là, mettons, je te dirais tes 5-6 premiers épisodes. En moyenne, tu avais à peu près combien d'écoutes? Mes 5-6 premiers épisodes? Ouais. Ben, écoute, moi, j'ai été chanceux. Moi, ça a parti en flèche dès le départ. Mettons, après. Parce que c'est dur à dire, tu sais, le monde. Je dirais, mettons, les 5-6 premières écoutes, les 5-6 premiers shows, j'avais peut-être une moyenne de 50 à 70 téléchargements par show, là, tu sais. Ça, c'est des téléchargements, là. C'est pas des écoutes, là. J'avais plus d'écoutes, là, tu sais, j'avais peut-être, là, un 100 écoutes par show, mais il y avait peut-être là, 50 à 70 personnes qui téléchargeaient dessus. C'est quand même bon. Ben, pour s'entendre aussi que toi, t'es ben ami avec Daniel Beaulieu, Francis Tremblay, Éric Mercier. C'est de la grosse pointure, ça, pareil. Ouais, c'est ça. Il rejoint beaucoup de monde, donc la bouche à oreille est plus facile dans ce temps-là. C'est ça. Justement, la semaine prochaine, j'ai un podcast avec Daniel. Daniel s'en vient dans mon coin de pays, là, chez Remorquage. On va faire un podcast chez mon chum, chez Remorquage 117. Daniel, moi, je le connais. C'est un. On a des traits de famille ensemble, éloignés. Daniel connaît mon grand-père depuis longtemps. Daniel, c'est un gars de ma région, premièrement. Fait que. De fil en aiguille, à force de se parler, on a vu qu'on a découvert qu'on avait des liens familiaux de loin, puis qu'on avait des amis communs, puis de la famille commune, là, tu sais. Fait que, moi, Daniel, je le trouve, c'est un gars qui est authentique, puis... C'est un vrai, comme on pourrait dire. Oui, on peut pas faire autrement que de l'aimer, là, tu sais. D'aimer ce qu'il fait puis qu'est-ce qu'il dit. Tu sais, puis pour en revenir à mes téléchargements, après 33 shows, là, je sors le 34e la semaine prochaine. c'est assez stable. Tu sais, en moyenne, 250-300 personnes par show. Là. Ah ben c'est bien. En parlant de Daniel, en tout cas, pour ceux qui le connaissent, ils l'ont vu, là, il a fait un GoFundMe pour sauver le reculon au Québec. Parce que nous autres, les camionneurs, souvent on a peur à reculer, de rentrer de reculon. Puis souvent, c'est en bordure des routes ou soit qu'on va reculer chez nous. Puis c'est ça. Daniel, il a parti un GoFundMe pour aider ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il était accusé de négligence criminelle. Ouais, c'est son. C'est l'oncle à Daniel. C'est son oncle. Ça faisait des années qu'il faisait la même manœuvre, au-dessus de 20 ans qu'il faisait la même manœuvre du reculon. Puis il est arrivé de quoi? Ouais. Puis là, il avait quand même ramassé pas mal, là, 7500. Puis là, il y a eu un fuck avec le GoFundMe. Eux autres se sont aperçus que vu que c'est un appel qui est criminel, si on parle en guillemets. Eux autres, ils ont arrêté GoFundMe. Fait que Daniel, il se fend le cul en quatre pour essayer de récupérer tout cet argent-là. Il est en tabarnak. Puis moi aussi, j'étais en tabarnak parce que nous autres, les camionneurs, on se fait tout le temps accuser. Mais tu sais que moi et Patrice, hein, on est les gars les plus sécuritaires qu'il y a pas sur la route. Ouais. Fait que moi, je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Ben, le point de vue, c'est pas compliqué. Écoute, on est souvent appelé à faire des manœuvres de reculons parce que il y a des cours de clients qui sont pas adaptés pour se revirer dans le cours, justement. Donc, on est souvent appelé à faire des manœuvres de reculons. Même moi, dans mon métier, 80% de mon métier, moi, je suis sur un truck à vidange. Et puis, il y a des chemins complètes, qu'il n'y a même pas de virée au bout du chemin. Il y a des fois que je suis obligé de faire là, 1 km du reculon. Là, parce que j'ai pas de virée au bout. Fait que clenche en grande, puis j'ai pas le choix. Si c'est rendu qu'on est rendu un criminel parce qu'on y va du reculon, là, ça marchera plus. Là, il va falloir se tenir ensemble puis se plaindre à minimiser. Ça plaint d'un municipalité pour qu'ils nous fassent des virées. C'est rendu. Faut pas que ça fasse. Parce que là, on se le cachera pas. Cette cause-là va faire jurisprudence. Là, puis ça a pas de bon. S'il arrive un autre accident du genre, ils vont se servir de cette cause-là là, pour nous rendre criminels et nous coller. En prison, là. C'est ça. Puis comme moi, je dis souvent, on se fait enculer sans permission. Puis en plus, je charge. Ouais. Fait que, tu sais, toi, tu parlais de ce que tu viens de dire, là, t'as pas de virée, fait que t'es obligé de reculer 1 km de long. Moi, je l'ai fait en masse, là, moi, quand je livrais de la tourbe, là, du gazon, là. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais ça a donné tout le temps de même. C'est toujours la dernière maison à l'autre bout dans le chemin de terre. Puis le chemin de terre, ouais, c'est ça. Il est cul-de-sac. Fait que j'ai déjà reculé, moi, 4 km de long. Tu n'as pas d'alpeur, là, pour t'aider, là. Non, c'est ça. Tu sais, Edmond, il va falloir qu'il comprenne ça un jour, là. Tu sais, moi, je fais du US, hein. Puis souvent, quand on voit, là, genre, le ministère des Transports, là, ils font des travaux sur le bord d'autoroute, là. Il y a toujours, toujours une police en arrière d'eux autres avec les flashs allumés, justement, pour les protéger. Fait que, c'est quoi? Va-tu falloir qu'on se colle une police? Hey, monsieur l'agent, venez à telle place. Moi, il faut que je recule dans le cours du client, puis je veux pas tuer personne. Puis je veux pas qu'il y ait. Ils le feront pas. Ben non. Ils ont pas le temps. C'est ça. Ils ont pas le temps de faire ça. Puis pour ce qui est de l'histoire du GoFundMe, je n'étais pas au courant. Tu viens de me l'apprendre pour l'histoire qui avait tout bloqué. Ouais, bloqué les fonds. C'est ça. Parce que je veux pas. Je veux pas me prononcer là-dessus parce que j'ai pas vu le dossier. Daniel, il a fait un vidéo là-dessus, quoi? Ouais, il a fait un vidéo avec son fils Gabriel. Okay. C'est, dans le fond, c'est Gabriel qui a fait le GoFundMe. Puis qu'est-ce qui est arrivé, okay. C'est que Gabriel, ben, il a pas tout lu, tu sais, les règlements puis tout. Ouais, OK. Fait que là, c'est ça. Moi je voulais faire un don. Mais une chance que j'ai vu vidéo à Daniel, parce que là, anyway, ça aurait peut-être pas marché. Là, ils ont bloqué genre la page de le GoFundMe là, à cause de ça. Fait que là, c'est ça qui est arrivé. C'est que Daniel, il a refait une autre vidéo à matin qui expliquait le pourquoi que le GoFundMe ne marchait plus. C'est à cause que vu que c'est une cause qui était reconnue aux criminels, ben GoFundMe ne veut pas être responsable de ça. Fait que là, Daniel, il fait des pieds et des mains. Il a envoyé un email à GoFundMe pour lui demander, ben d'abord, si vous ne voulez pas être mêlé à ça, c'est-tu possible de redonner les dons à chaque donateur? Parce qu'il dit là, moi, il y a du monde de ses réseaux sociaux qui accuse Daniel qui se met ça dans les poches, tu sais. Il y a toujours une petite gang de trous de cul qui sont pas au courant du sujet, puis une gang de mange-marde. Mais Daniel, c'est pas un gars de même. Daniel, c'est un gars qui a du cœur puis qui veut aider les gens. Fait que lui, ben, il essaye de se démarder pour débloquer les fonds, pour donner ça aux donateurs ou leur transférer d'une autre place qui puisse continuer son GoFundMe, parce que son objectif, c'est de ramasser 30 000 justement pour son oncle, je pense que c'est Jean-Paul qui s'appelle. Mm-hmm. Fait que je trouve ça déplorable un peu. Dans le fond, c'est juste parce que la cause est criminelle. Parce que si on se rappelle bien, Mike Ward a fait pareil pour payer sa cause en appel avec le petit Jérémy. Là. Exactement. Pourquoi lui il était capable? C'est peut-être parce que c'est pas criminel, c'est ça. Je connais pas les lois du GoFundMe, là, mais tu sais, si. Ouais, c'est ça. Moi non plus, je suis pas habile avec cette site-là. J'ai jamais fait affaire avec ça, mais. Pareil, je trouve ça triste parce que il était parti sur une belle lancée. Là, puis pour moi, les objectifs, là, ça n'aurait pas été trop long qu'il l'aurait ramassé. Parce que là. Ouais, c'est ça. On veut aider ce monsieur-là, pas juste lui. C'est pour les autres, les prochains aussi. Là, ça peut tout nous arriver à faire de même. Puis, c'est pour ça qu'il y a beau, là, quand Daniel il parlait dans ses vidéos là, d'avoir une association, là, que ça nous coûterait pas trop, comment il disait, 360 pièces par année. Chris, m'a donné en double, moi. Puis s'il faut, pour avoir ma carte, puis avoir une association. Justement pour ça, être capable de se payer des avocats puis qui sont spécialisés dans le transport, parce qu'on s'entend, nous autres, là, il arrive un accident puis on n'est pas responsable. C'est toujours nous autres le coupable. Moi, c'est pour ça que j'ai une dashcam dans mon camion. C'est pour me sauver le cul. Mais c'est sûr que ça filme juste là devant. Si je pourrais m'en mettre une en arrière, je pense qu'Éric Mercier l'a déjà fait. Il fut mettre d'arrière. Ça nous aide en quelque part un peu, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh oui. Fait que, justement, tu écouteras mon podcast cette semaine. Je ne sais pas si tu l'écouter, là. Non, je l'ai téléchargé, mais je me réserve ça pour demain. Pour la semaine. Ouais. OK. Tu écouteras ça, tu vas voir. Justement, j'en parle de l'association avec Patrick Lebrun. Moi, l'association, j'y crois pas. J'y ai déjà cru. Ben, je dis pas que j'y crois pas. J'y crois, mais on n'est pas prêt à ça. Les camionneurs se tiennent pas assez. J'y crois à l'association, mais pour l'instant, j'ai décroché de ça parce que le monde, ils sont pas capables de me démontrer qu'ils sont sérieux là-dedans. Là, selon mes critères à moi, là, moi, il faudrait que ça soit plus sérieux que ça. Puis, présentement, ils sont pas capables de me démontrer que je peux avoir confiance en eux. Mais j'ai confiance en une association. Mais c'est pas ce groupe-là qui vont réussir à me faire changer d'idée. Là. On a du chemin à faire. Puis, c'est un peu comme Mike Tremblay me disait quand je faisais mon entrevue avec lui à son émission. Que tu sois vidangeur, que tu sois travailleur d'usine, que tu sois chauffeur, on peut pas dire chauffeur de taxi parce que les autres ils ont comme une association. On dirait que le monde aujourd'hui, c'est me, myself, and I. Puis, c'est ça. Personne ne tient, puis c'est chacun pour soi. En tout cas, je sais pas si de mon vivant, je vais voir ça, moi, une association. Puis si, Comme que je disais à Patrick, moi, là, puis ça, tu vas l'entendre dans mon dans mon podcast, là, mais pour le répéter à tes auditeurs, les infirmières, quand ils ont fait la grève, les étudiants, quand ils ont fait la grève, les professeurs, quand ils ont fait la grève, qu'est-ce que toute cette gang-là avait en commun? C'est pas compliqué. C'est des professionnels, puis ils se sont tenus ensemble. Tu verras jamais un professeur bitcher sur le dos d'un autre professeur sur Facebook parce qu'il a mal corrigé ses textes. T'sais. Tu verras jamais une infirmière aller rire d'un autre infirmière sur Facebook parce qu'elle a mal fait une piqûre. T'sais. Tu verras jamais ça. Tandis que les camionneurs, eux autres, c'est les rois du bitchage, puis c'est tout le temps de rire. C'est tout le temps de... C'est ça, c'est tout le temps de s'écœurer puis de rire des autres, entre eux autres sur Facebook. Puis juste à cause de ça, c'est pour ça qu'on n'est pas prêt à avoir une association. Hein? C'est épouvantable. Oui, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Ça leur envoie des photos. Hey, check, elle zoupe, qui s'est pas reculé. Puis ta. Chris, au lieu de rire de lui, tabarnak, débarque de ton. Va donc l'aider. Puis va l'aider. C'est ça. Esti. Toi, Joe Blow, quand t'as commencé, Esti, là, tu penses-tu que tu reculais ça one shot? Hein? Il doit en avoir eu des plus vieux qui ont été t'aidés, qui t'ont donné des conseils. Ben, Chris, voilà. Comme on pourrait dire, donner au suivant, sacrement. C'est ça. Fait que, tu vas voir les. j'ai vraiment émis mon point de vue, puis j'ai mis mon point sur la table avec Pat. Puis tu vas voir, je veux pas te vendre le punch, mais toi, c'est un très bon show. On s'entend, Pat, toi, quand tu mets ton poids sur la table, on l'entend. Ouais, c'est ça. Fait que, en même temps, Pat, je voulais te remercier parce que tu as été un des premiers que j'ai communiqué avec toi quand je voulais partir mon podcast, me donner quelques conseils, des trucs que j'ai bien apprécié. Fait que, pour te remercier de ça, j'aimerais que tu me dises une toune que je pourrais faire jouer suite à cette entrevue. Tiens, on va y aller avec. On va y aller avec un classique de Metallica. On va y aller avec Master of Puppets. Oh yes, ça rentre au poste. Fait qu'on va te mettre ça, mon Patrice. Puis en passant, t'avais-tu pris Ottawa ou Rangers, toi? Moi, j'ai pris Ottawa en c'est un petit peu, j'ai encore ma feuille avec JF, ça. Moi, j'ai pris Ottawa en 5. Ottawa en 5, OK. Ouais, j'ai pris Ottawa en 5. Là, ils mènent la série 3-2. Fait que c'est sûr que j'aurais pas ma prédiction juste, mais en tout cas, j'espère que Ottawa, vont gagner, là, tu sais. Moi, j'avais pris Rangers en 6, puis ça va assez mal mon pot. Je suis le dernier dans la cave. Imagine-toi donc, la personne qui est en tête de liste dans notre pot, notre gang et nous autres, c'est une fille. Pis elle, ça, c'est tout le temps le même, ça. Puis elle connaît absolument rien au hockey, là. Non, ça c'est tout le temps comme ça. Absolument rien, là. Tu sais, pour te dire, elle a dit dans la ronde 2, Pittsburgh en 3. C'est parce que c'est soit en 4, en 5, en 6 ou en 7, ma belle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, fait que je t'ai remercié, mon Patrice, pour ton. C'est moi qui ai commencé. Fait que on va s'en reparler, puis je vais te souhaiter bonne chance avec ton podcast, puis ton festival du Super Party du Camionneur. Puis je vais tout essayer pour y aller. Ben, y'a pas trop. Je te remercie, Toto, de prendre du temps pour me parler. Puis ça me fait plaisir de t'aider, puis n'importe quand, il n'y a pas trop. Bon. Puis je te souhaite un gros succès, puis je dis un gros salut à tes auditeurs. Bon, ben, un gros merci, mon chum. Salut, là. OK, salut. Eh oui, monsieur, ça c'est une bonne petite tonne pour les oreilles. Cette semaine m'est arrivé quelque chose d'assez spécial. Au début du mois de janvier, je m'en allais Libreville à Boston. Puis je suis arrivé sur le lieu d'accident, un gros face-à-face. Il y avait deux blessés, puis il y a eu un mort dans cet accident-là, une petite fille de 5 semaines. Fait que moi, je suis arrivé sur les lieux de l'accident, ça faisait 3-4 minutes que c'était produit. Fait que j'ai barré la route avec mon camion, je suis parti à la course, j'étais allé voir les blessés. Il y avait déjà du monde de présent là. Fait que j'ai demandé à la femme qui s'occupait de la madame qui était dans le char, elle était couchée ses deux sièges en avant. Puis croyez-moi, ça fait ça en tabarnak. Ça a tellement fessé que le char, il n'y avait plus de moteur. Tout ce qui restait, c'était les ailes chaque bord, puis le frein de la titre. Fait que moi, j'ai dit à madame, tenez-y la tête en place pour pas qu'elle aggrave ses blessures. Puis après ça, je regardais en arrière, j'ai vu le siège du bébé. Là, il y avait deux personnes là. Il avait mis une couverture par-dessus. Il dit, bébé, es-tu mort? Il dit, on ne sait pas. Bon, il dit, on ne sait pas, t'en sais vous. Fait que je check ça, ouais. Je check, ça avait un pouls. Il y avait un petit pouls de rien. Puis je voyais qu'elle avait de la misère à respirer. Fait que j'ai essayé d'ouvrir la portière pour sortir le bébé de là. Les portières n'ouvraient pas. Ni d'un bord, ni de l'autre. La vitre t'a cassé en arrière, mais il y avait tellement de débris de vitre que je voulais pas passer par là, puis je m'aurais coupé moi-même. Fait que je suis reparti en direction de mon camion. J'étais cherché ma barre à strap. J'ai revenu pour essayer d'ouvrir les portières. J'étais pas capable. Puis pendant ce temps-là, ben, les secours étaient toujours pas arrivés. Ça a pris un bon 20-25 minutes avec les secours arrivent là-bas. Fait que j'ai tout tenté pour sortir la petite fille. Après ça, les secours sont arrivés. Je les ai laissés faire le travail. Moi, je retournais à mon camion. La police est arrivée. J'étais chanceux, j'étais capable de passer. Puis m'en aller des lieux de l'accident parce qu'après ça, ils ont fermé la route complètement des deux sens. Fait que le lendemain matin, quand je regardais sur Internet, j'ai su que la petite fille était décédée. Ça m'a fait de la peine en hostie parce que moi-même, j'ai deux filles. Puis je me sentais coupable de ne pas avoir été capable de l'avoir sauvée ou d'avoir fait quelque chose. Fait que c'est ça qui est dur sur le cœur un peu, là, t'sais. Fait que finalement, c'est ça. Cette fille-là qui était impliquée dans l'accident, elle m'a appelé cette semaine. Elle m'a demandé, quand t'étais là, à côté de mon auto, elle dit, ma fille, étais-tu attachée? Je dis, ouais, oui, pourquoi? Ben, elle dit, ben, c'est parce que la Sûreté du Québec fait une enquête sur l'accident, puis ils veulent peut-être m'accuser de négligence criminelle. Ah ben, tabarnak! Hey, les deux bras m'ont tombé à terre, moi, quand elle m'a dit ça. Je peux bien croire que l'enquêteur de la SQ, il y a une job à faire. Ça, c'est bien correct là-dessus. Mais moi, c'est surtout l'asti de mange-marde qui a au de lui, là, son supérieur. Là. Lui qui a donné l'ordre de faire cette enquête-là pour négligence criminelle. Calice, il n'y a aucun empathie, ce bonhomme-là, asti. Aucune sympathie envers la madame qui a perdu sa fille de 5 semaines. Qu'elle va avoir ça, sa conscience, le restant de ses jours. J'en reviens pas comment est-ce que la société a pas été rendue malade à ce point-là. De se foutre des gens, de penser qu'elle a une petite crise de personne. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Puis s'il faut une enquête pour négligence criminelle là-dessus, c'est parce qu'il y a des raisons. La femme du monsieur qui était dans le pick-up, impliquée dans le face-à-face, elle a entrepris des démarches envers la SAC puis le ministère des Transports pour reconfigurer la courbe. Parce que cette courbe-là, les gens du secteur qui restent là l'appellent la courbe de la mort. Il y a eu plusieurs décès dans cette courbe-là. Puis, ironiquement, la semaine avant l'accident qu'il y a eu là, il y a une vanne, un poids lourd qui a barcé. Puis moi, pour l'avoir faite assez souvent, cette route-là, c'est la route 112 dans le secteur de Whedon. C'est à peu près une vingtaine de minutes de Sherbrooke, là. Cette croche-là se prend assez mal, surtout quand tu t'en vas en direction de Thetford Mines. Quand tu rentres dans cette croche-là, on a tendance à être porté à s'en aller vers la gauche. Puis cette journée-là, il avait tombé une petite neige. Puis soleil, il faisait soleil, fait que la neige a fondu. Puis l'accident est arrivé vers 3h30, 4h d'après-midi. Quand le soleil se couche tranquillement, ben la température baisse, puis là, ça a fait une petite glace noire. Moi, je me rappelle que quand j'étais à côté du véhicule, j'étais en soulier, puis il y avait quelques spots là, que ça glissait. Fait qu'elle s'est arrivée dans la courbe à déraper, à dévier de sa voie, puis le pick-up s'est emmené en sens inverse. Ils ont fait un face-à-face. Puis la femme du monsieur du pick-up, elle a suivi en arrière. Fait qu'elle a tout bu soleil là, de ses propres yeux, là. J'aimerais pas être à sa place. Ça doit être quatre choses. Voir ça live, là. Tu dois rester marqué de ça. Fait que... moi, là, je trouve ça... épouvantable. Qu'ils font une enquête de négligence criminelle là-dessus. Et le gouvernement... C'est-tu eux autres qui ont donné l'ordre? C'est-tu le ministère des Transports? Parce qu'eux autres, ils veulent s'en laver les mains. Ils ne veulent pas être responsables de tout ça. Ils ne veulent pas dépenser d'argent. Sauf qu'on sait tous, le ministère des Transports, c'est de la grosse crise de la marde. C'est une gang d'astis de mange-marde. C'est comme le trou qu'il y a sur l'autoroute 25, là, dans le coin de Saint-Roch-Lachigan. Ça doit faire 3 semaines, 1 mois que c'est en marché de même. Ils n'ont rien colissé. Ils n'ont rien réparé encore. Moi, j'ai vu le même genre de trou sur une autoroute pareille dans le New Hampshire à Concorde l'été passé. En espace de 30 secondes, là, le trou s'est formé. C'est arrivé vers 11h, 11h30 le matin. Ils ont barré la route, ils ont dévié le trafic. Le soir même, je repassais là. La route a formé en direction nord. En direction au sud, elle est ouverte parce que ça n'avait pas affecté ce côté-là. Puis là, on voyait le ministère des Transports du New Hampshire là, en train de travailler là-dessus puis analyser la situation. Le lendemain soir, j'ai repassé dans le même coin. Tout a fait, tout a réparé, pareil comme si rien s'était passé. Comment ça se fait qu'au Québec, si on n'est pas capable de faire ça? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire ça? On paye des impôts, on paye des taxes, on est surtaxé, puis on n'a pas moyen d'avoir du crise de service qui a de l'allure. Le style gouvernement Couillard, là, moi je l'ai tout le temps dit, Philippe Couillard, là, c'est pas Philippe Couillard, c'est Jean Charest, caché derrière un masque. C'est un peu comme dans le film... Mission impossible. Là. Quand on voit Tom Cruise à un moment donné, il retire son déguisement. Là. Puis dans le fond, il était un autre personnage. Là. Mais c'est exactement ça. Philippe Couillard, c'est Jean Charest caché dans ce déguisement-là. On se fait enculer sans permission, tabarnak. Quand est-ce qu'on va se lever? Quel peuple est-ce va parler? Il va faire de quoi? Ça n'a pas de style de bon sens. Des affaires de même. Moi, là, ça me met hors de moi. Ça n'a pas de crise de bon sens. Je peux pas croire qu'on se paierait dans la face de même. Fait que J'ai dit à cette madame-là, si jamais ça s'en va en cours puis qu'il t'accuse de négligence criminelle, appelle-moi, m'aller témoigner. Ça va faire plaisir de témoigner pour toi. Parce que moi, je l'ai vu de mes yeux vus. Elle était attachée, la petite fille. Elle était dans son siège d'auto. Siège d'auto, il était bien douette. Installé correctement comme il faut. Le monsieur qui reste dans la maison, direct à côté, où c'est que l'accident s'est produit, il l'a vu lui aussi. Fait qu'on est déjà là, on est deux. Moi, je laisserais pas des astis de mange-marde de même du ministère des Transports, du gouvernement ou de la SQ accuser des pauvres gens qui sont victimes, tabarnak, d'un accident qui n'ont... qui vont avoir des conséquences le restant de deux jours. Des séquelles, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Qui vont rester avec des séquelles le restant de deux jours. T'as ça en tabarnak, on va faire une courte pause, puis on revient. Du bien, ça calmer les ardeurs un peu. En terminant, je voulais en revenir sur un point sur mon épisode de la semaine passée. Il y a eu des nouveaux développements dans l'affaire du gars là, qui a fait de la cruauté envers les animaux. Cet astie de mange-marde-là, il réussit à s'en sortir avec une caution de 300 piastres. Puis, il a été remis en liberté, sous condition. C'est pour dire que le système de justice vaut pas cher au Québec, hein? Vaut vraiment pas cher au Québec. Un appart de même, il serait arrivé aux États-Unis. Ouais, je pense qu'il aurait été puni un petit peu plus sévèrement. Fait que, en conclusion, j'espère que vous avez aimé mon show. Encore une fois, j'imagine le son, il doit pas être terrible, là. J'attends juste d'avoir l'occasion de trouver quelqu'un qui est bon là-dedans, dans le logiciel Audacity, qui me donne un cours, parce que moi, je suis quelqu'un qui est plus visuel. Fait que, en sachant un peu plus comment travailler avec ce logiciel-là, mon son va être meilleur. En tout cas, moi, je cherche à m'améliorer. Comme j'ai dit tantôt, Patrice m'a donné quelques conseils. Mike Tremblay m'a donné quelques trucs aussi. Puis je voudrais remercier aussi Maxime Duclos de Parlons Balado, qui a fait des pieds et des mains, lui aussi, pour trouver le moyen de mettre mon podcast sur iTunes, parce que j'avais de la misère à le mettre sur iTunes, puis il m'a donné quelques trucs. Fait que, pour le remercier, je lui ai demandé qu'il me donne une toune. Donc, il m'a demandé de mettre Shout 2000 de Disturb. Fait que sur ce, bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine.